Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, le Bauhaus a 100 ans, une série de Camille Jusard réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a des étudiants en nœud papillon ou chapeau cloche qui tirent la langue, se déguisent ou font de la gym. Une femme qui manie le métier à tisser avec assurance et cette photo prise sur un toit d'une clique décontractée, poseuse et fière à l'élégance d'un groupe de rock. Et puis il y a des objets, des lignes droites et des murs rideaux et cette école qui mêle art et artisanat. Alors pour commencer, les personnages. Un peintre qui rêve Bauhaus, un directeur architecte, un historien de la culture allemande, un maire progressiste, des ingénieurs, Albers et Gropius pédagogue, broyeur à bicyclette, un graveur pantomime et un directeur qui préfère saborder son école. Ensuite le décor, des saos, du verre, de l'acier, du béton, des usines d'aviation, des couleurs, une chaise, des tubulures de vélo, des chambres d'étudiants, un théâtre, quelque chose du kibbutz, du papier peint, quatre maisons cubiques, une forêt de pins et la montée du nazisme. Aujourd'hui, deuxième épisode, le vent souffle. Les répercussions des conceptions du Bauhaus sont tellement... Partout dans le monde aujourd'hui, et dans la peinture, et dans l'architecture, et dans tous les objets qui nous sont familiers, les racines de tout ça sont au Bauhaus. Le Bauhaus a 100 ans. Des objets à la chaîne, Camille Jusard, Jean-Philippe Navarre. En somme, il a fallu 50 ans pour que notre environnement, notre entourage... prennent les formes que nous avions prévues et préconisées au Bauhaus. Il ne faut pas oublier que le Bauhaus, au moment de son existence, était une île dans la société et dans une société hostile. Pour moi, personnellement, dans mon travail, je ne crois pas qu'il y ait une influence esthétique de Kandinsky, de Klee, de Feininger, etc. Mais il y a une influence d'une attitude envers la vie, et un esprit que l'on retrouve, je crois, chez tous ceux qui étaient au Bauhaus, il y a longtemps. Dessau, au sud de Berlin. Le décor parle tout seul. Des kilomètres de barres HLM nous rappellent le passé soviétique de cette partie de l'Allemagne, et la tempête qui approche accentue le caractère un peu dramatique de cette ville industrielle jonchée de friches. Quand nous entrons au Bauhaus, le bâtiment vidé de ses visiteurs siffle, tremble, une vraie petite machine métallique qui vibre sous les assauts du vent. Chassé de Weimar, accusé de bolchevisme culturel, le Bauhaus continue ici, à partir de 1925, ses expérimentations. Comment faire des objets beaux, utiles, pas chers et usinables? Comment optimiser un petit logement ouvrier? À quoi doit ressembler le mobilier du futur? Les élèves et les maîtres se mettent à produire tous azimuts. Métal, bois, photographie, graphisme, publicité. Tout est passé à la moulinette de la modernité et un seul but, refonder entièrement notre manière de vivre. J'ai donc dit à mes professeurs du lycée, à mon père, à tout le monde, que je voudrais aller à ce Bauhaus. Et on m'a dit, on ne connaît pas ça, c'est certainement pas intéressant, c'est rien du tout. Jean Lépien. Et mon père, pour faire les choses peintre dans les normes, a écrit à une agence de renseignements commerciaux, en quelque sorte, pour demander quelle peut être cette école, académie, institution. On lui a répondu que c'est pas du tout connu, qu'on ne connaît aucun nom des maîtres qui enseignent, et qu'à leur connaissance, jamais aucun de ces maîtres ne s'est fait un nom en quoi que ce soit, et surtout qu'aucun élève n'est jamais sorti de cette école. Donc ça m'a intrigué encore plus, et j'ai insisté pour y aller, j'ai pris une bicyclette, je me suis mis en route. Et je suis arrivé dans ce bâtiment en verre, acier, béton, un bâtiment qui nous serait familier aujourd'hui, mais qui à l'époque était une chose absolument inédite, inexistante, de voir un bâtiment de l'an 2000 de science-fiction. Si vous regardez le livre de Walter Gropius de 1940 sur ce bâtiment du Bauhaus, Werner Müller, les premières images sont des photos aériennes. Jusqu'alors, les gens avaient des perspectives assez restreintes sur le monde. Ils marchaient dans la rue, se déplaçaient à vélo, ou au mieux, en voiture. Mais vous avez une vision complètement différente du monde avec l'apparition de l'aviation. C'est pour ça que le bâtiment est plein d'asymétrie. Il n'y a aucune raison de présenter des perspectives identiques. Chaque perspective sur ce bâtiment est différente. C'est pour ça que l'UNESCO a décidé de protéger cette cinquième façade du bâtiment, qui est le toit. On entre vraiment dans une nouvelle ère, une nouvelle manière pour l'homme de conquérir le monde. Sur la proposition donc, du maire de Dessau, Gropius fait le projet de cette nouvelle école à partir de ses conceptions très fonctionnalistes. Lionel Richard, historien de la culture allemande. Et donc, en trois bâtiments qui communiquent entre eux par des passerelles, ils mélangent l'acier, le verre et le béton. Et cela dans des formes très géométriques, très structurées, ce qui fait que, évidemment, déjà le résultat de la construction choque énormément dans la région de Dessau. Dessau est une ville industrielle, beaucoup plus progressiste que Weimar, mais tout de même. Ce que Gropius comprend, c'est que Dessau, pour lui, c'est une vraie chance. Donc c'est effectivement une ville ouvrière, c'est à une centaine de kilomètres de Berlin. Encore aujourd'hui, c'est un train assez lent pour y aller, c'est vraiment pas du tout une ville sur la carte des avant-gardes, mais ça va lui permettre de faire absolument ce qu'il veut. Anne Monnier, conservatrice. Ce maire, Fritz Hesse, lui, est très progressiste politiquement parlant et souhaite que ce progressisme s'exprime dans le visage de sa ville, donc avec l'école du Bauhaus. Pour lui, c'est un véritable hold-up d'avoir attiré cette école chez lui. Pour Gropius, c'est aussi une ville très intéressante parce qu'il y a notamment les usines Junkers, qui sont des usines d'aviation. Et il y a beaucoup de choses qui vont être faites au Bauhaus, qui vont aussi être développées avec des ingénieurs de Junkers, avec des motifs, avec des formes en fait, qui servent dans l'aviation et qui vont se retrouver notamment dans des chaises de broyeur. Il y a aussi cette porosité des échanges. À Dessau, Gropius a un petit peu carte blanche et c'est là qu'il va vraiment pouvoir s'amuser. On est dans une espèce de double façade en verre qui laisse entrer la lumière. C'est comme un cristal avec ses ateliers vitrés en porte-à-faux au-dessus du sol. Mais ça ressemble aussi à une usine. Le bâtiment montre ou représente l'avenir des élèves. Ici, on crée un nouveau type de designer. Pas des artisans artistes à l'ancienne ou quelque chose comme ça. L'idée est de faire un design de qualité pour une production industrielle. Du coup, le bâtiment est une métaphore de ces différentes choses. On l'appelle l'aquarium. C'est déjà péjoratif. On a l'impression que, bah, évidemment, ce sont des animaux que l'on va voir à l'intérieur de ces murs transparents. C'est la coexistence entre deux mondes. Et disons que ce qui est radical, c'est l'image qu'il propose d'une vie moderne qui n'est pas encore assimilée par les mentalités, mais qui est fatale. De toute façon, l'idée de Gropius, c'est qu'on ne peut pas éviter, vu les progrès de l'industrie et des techniques, une modernisation radicale. Merci, M. Boer, deux premiers. Alors, à Dessau, ce qui concerne la vie de Bauhaus, ça a changé. Et ça a changé pour une philosophie qui était plus intéressée pour la production contemporaine, pour l'art de l'industrie, pour l'architecture, pour les relations de l'intérieur à l'extérieur, pour les problèmes de structure des matériaux. Alors, il était beaucoup plus solide, beaucoup plus réaliste cette période. Werner Müller, vous êtes chercheur associé au Bauhaus. Nous avons pénétré dans le Saint-Dessin, dans l'école du Bauhaus. Et peut-être comme les étudiants qui arrivaient ici à partir de la rentrée 1926, voilà, nous sommes dans le hall, tout simplement. Nous avons gravi quelques marches. La première impression qu'on a en rentrant ici, c'est l'impression du bâtiment. Avant, il n'y avait pas du tout de bâtiment autour. Il faut s'imaginer un bâtiment qui est un peu dans le vide, dans le paysage. Ce bâtiment ici représente le dessin, le cercle qui a été dessiné par Gropius et qui représente le cursus des étudiants. Ce qui est intéressant à voir, c'est le concept des couleurs ici, le concept qui était visionnaire et à quel point jouent ensemble les couleurs et l'architecture. Il y a trois couleurs dominantes, le gris-noir, le blanc et l'orange-rouge. Les couleurs sont liées avec la fonctionnalité du lieu. Les grandes façades à l'extérieur sont peintes en gris noir ou en blanc et toutes les portes en orange-rouge. La couleur rouge est symbole pour le mouvement. Les portes sont peintes en rouge, les escaliers sur les côtés ici, la porte qui donne à la cantine. Donc nous suivons le rouge avec nos mouvements. La porte d'entrée également, elle est en rouge. Donc toutes les formes qui accompagnent un mouvement sont peintes en rouge. Les plafonds sont peints dans des couleurs différentes également pour mieux pouvoir s'orienter dans ce bâtiment. C'est un système d'orientation très affiné en fait. On se sert ici pas du tout de flèches ou de signalétique, mais de couleurs pour orienter le visiteur ou l'élève, toute personne qui fréquente ce bâtiment. On est au deuxième étage et c'est là que les affaires sérieuses commencent pour les élèves parce que c'est le fameux cours préliminaire. On est dans un des angles du bâtiment. Il y a deux façades de la salle de cours qui sont entièrement vitrées. Les étudiants ont suivi ici avec Albers et Molinoch. Ils ont travaillé avec du matériel très simple, avec du papier. Et ils ont coupé, ils ont travaillé, mais vraiment pour connaître les bases, aussi pour connaître le matériel. Et ici, nous avons le coin transparent, c'était pas du tout le mettre en face des étudiants, mais c'était un coin pour vraiment discuter du travail et de l'évolution du travail de l'étudiant. Il faut vraiment imaginer cette façade du Bauhaus qui est un mur rideau, donc ce sont des menuiseries en métal avec du verre. On est à la fois au chaud à l'intérieur et en même temps complètement projeté à l'extérieur. C'est un des effets du mur rideau. La façade vitrée se détache vers l'avant du bâtiment. Elle n'est pas rattachée au sol ni au plafond. Du coup, l'air circule de haut en bas dans cet espace vide. Mais le bruit aussi circule de haut en bas. Mais à cette époque, le bruit, c'est la chaîne de production, ce sont les avions qui sont fabriqués à côté de l'école, ce sont les voitures, la machinerie, et tout ça fascine le mouvement moderne. Si tous les ateliers travaillent ensemble, et qu'en plus vous actionnez le mécanisme des fenêtres, alors le bâtiment est très bruyant. L'enseignement au Bauhaus, en somme, se divise en toutes sortes d'ateliers, des ateliers de toutes les... Jean Lépien, peintre. Comment dirais-je, parti d'un compagnonnage en vue du bâtiment, du bâtir, de la construction. Mais ce qui était pour moi le plus important dans l'enseignement était en somme le cours préparatoire qui était fait par Albers, qui était moins un enseignement technique de quoi que ce soit de précis, mais qui nous entraînait, nous amener à oublier ce que nous avions appris puis recommencer à zéro. Nous avons pris en main des objets, des choses, des matériaux pour déformer, transformer, pour en faire autre chose. Albers n'enseignait pas ex cathedra. Il donnait à chacun de nous un matériau mettons, une feuille de papier striée, en disant, voilà un bout de papier strié, faites-en quelque chose, n'importe quoi, mais faites quelque chose. L'un de nous aurait pris cette feuille de papier striée et l'aurait découpée pour replacer des formes découpées, mettant des cercles concentriques découpés pour les replacer, mais en les tournant un peu, de sorte qu'ils se forment une espèce de rosette. Un autre aurait pris la même feuille de papier sans se soucier du fait qu'elle soit striée, en disant « ce n'est qu'une feuille de papier, je vais voir si une feuille de papier porte ». Donc il l'aurait plié pour en former une espèce de leporello sur lequel il aurait posé un poids paraissant plus lourd que ce qu'une feuille de papier peut porter, et etc., ainsi de suite. Sur ce, Albert revenait parmi nous et disait, mes enfants, qu'est-ce que vous avez fait? Montrez, mettons-nous ensemble, discutons ce que vous avez fait. Et nous avons discuté avec Albert et entre nous pour expliquer ce que nous avons fait, pour défendre chacun ce qu'il avait fait, mais dans une discussion libre, dans un dialogue. Et Albert, c'était comme un chef d'orchestre parmi nous, à dire, oui, là, il y a quelque chose qui commence, qui devient intéressant. Là, on a bien compris quel est le matériau, les caractères du matériau. Et je crois que c'est ça la chose la plus importante dans tout cet enseignement, d'avoir trouvé la possibilité de comprendre et de respecter un matériau. Albers avait cette qualité très rare pour un professeur. Il traitait chaque élève personnellement. Walter Gropius. Si un élève était peu sûr de lui et qu'il ne savait pas encore nager, disons, il le poussait à l'eau. Et quand l'élève commençait à se noyer, il le récupérait et était là pour le conseiller. C'était un génie dans sa manière de faire. Il amenait l'élève à trouver sa voie. L'imitation était taboue, donc il le faisait repartir de zéro pour trouver ses qualités propres. Le but de tout ça, c'était de donner un enseignement aussi individualiste que possible, mais toujours avec la conscience qu'on ne peut pas faire les choses seul, que les implications sont si grandes qu'il faut prendre en considération la communauté tout entière et comprendre les autres hommes. On a développé cette idée que tout ce qu'on fait, que ce soit une peinture, un bâtiment ou une chaise, il faut le faire en pensant à la manière dont l'être humain va s'en servir. Enfin, il y a cette idée de maison totale dans laquelle on va pouvoir vivre et qui correspond à cet idéal de la technologie progressiste qui va être à la fois porteuse d'un projet social cohérent pour le plus grand nombre et en même temps un accès à des biens qui étaient jusqu'alors réservés à des gens fortunés. Alexandra Amidal, historienne du design. Et la modernité va effectivement réfléchir non seulement à des matériaux nouveaux, elle va réfléchir aussi à des manières de concevoir des formes qui puissent totalement être usinées, de façon à être produites à moindre coût. Les exemples qu'on connaît, qui sont très clairs, qui sont les plus probants, évidemment, c'est la question de la tubulure de métal. Alors, c'est un peu voilà, l'histoire connue du Bauhaus. Je vais vous donner un exemple, en fait. Si on regarde dans la revue que le Bauhaus a, il y a un moment une présentation d'une image qui est réalisée autour du travail d'un des étudiants qui va devenir professeur et qui est Marcel Breuer. Et on a une série de chaises. Et dans cette série de chaises, la première, c'est l'African Chair. On est en 1921, c'est son premier travail. C'est l'idée d'un trône. C'est l'idée de la dimension sociale et politique de l'assise. Et puis, on a au fur et à mesure un nombre d'assises qu'il a lui-même réalisées et qui vont s'étager jusque l'idée du futur. Alors, la dernière avant l'idée du futur, c'est la célèbre Vassili. Et c'est une chaise en tubulure de métal avec du tissu qui, en fait, reprend l'idée d'une fabrication industrialisée qui pourrait être faite grâce à ces tubulures. C'est un matériau moderne, c'est un matériau bon marché qui est utilisé. Et où, à ce moment-là, sur les bicyclettes. À Dessau, j'étais un peu plus d'argent et j'ai acheté une bicyclette. Marcel Breuer. Et j'ai étudié la construction de bicyclettes que j'aimais beaucoup, comme un produit industriel presque parfait. parce qu'on n'a pas changé dans les dernières 50 années, on n'a pas changé la bicyclette fondamentalement. Même les détails sont presque la même chose. À cet homme, un jeune architecte me disait, est-ce que j'ai vu comment on fait ces cadres, cet squeleton de bicyclette? Et je disais, non, je ne le connais pas. Il me disait, on les courbe comme macaroni. Et cette expression restait dans mon image. Alors, on pourrait faire les meubles avec courbant des tubes et former comme un meuble, spécialement des chaises ou des tables. Et je faisais alors des expériences avec les tubes d'acier parce que je voulais toujours trouver des meubles qui sont transparents, qui sont confortables sans des grandes masses, des choses. Il faut bien comprendre que les fauteuils jusqu'à présent, ils comprennent des tentures, des épaisseurs, des rembourrages. Donc, ça peut être sale. Ça, voilà, c'est plus difficile à nettoyer. Donc, d'un premier point, c'est hygiénique, c'est facile à nettoyer. Deuxièmement, ça ne montre que ce que c'est. Il n'y a rien de caché, tout se voit. C'est logique. Il n'y a pas de phénomène illusoire. Il n'y a pas quelque chose qui serait dissimulé. Ça se lit, ça se comprend. Même quelqu'un qui n'a rien à voir avec le design, il voit vraiment que c'est une chaise un peu simple. Alors peut-être manque-t-elle. Pour certains bourgeois, il y a des caricatures qui se moquent un peu de ce type de chaise en disant que vraiment les bourgeois arrivent, sont un peu désarçonnés parce que est-ce que ce sera confortable? Et on a recevé ça avec un grand enthousiasme dans le Bauhaus. Mais pas dans l'industrie. Dans l'industrie, on disait on ne peut pas vendre ces choses. Mais après quelques publications des premiers meubles comme ça, j'ai reçu beaucoup d'intérêt en dehors de Bauhaus aussi. Et j'ai commencé une fabrication moi-même dans mon studio et avec les ouvriers, petits ouvriers, je faisais une petite fabrication. Peut-être 200 ou 300 pièces par mois. On sait, pour la petite histoire, que jamais Marcel Breuer n'a pu intéresser une quelconque entreprise et qu'il a plus ou moins fait ça avec un plombier dans sa cuisine. Il faut se rappeler qu'à l'intérieur du Bauhaus, les étudiants, c'est une école publique qui ne coûte pas d'argent, mais les étudiants sont aussi extrêmement heureux d'être dans l'école, non seulement parce que c'est une bonne école, mais aussi parce qu'il y a un repas qui est donné par jour. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on est dans la misère et que l'idée de produire des biens industriels pour le plus grand nombre est vraiment du côté d'un rêve pieux, mais qu'il n'y a pas d'industrie et il n'y a pas de marché pour ça. C'est pas le bon moment, il y a un problème de timing. Nous entrons dans le foyer de la maison des ateliers avec 28 chambres qui ont pu être habitées par des étudiants mais aussi par des professeurs ou des hôtes. Il faut savoir que dans les années 20, on était dans une époque de crise et que c'était un vrai luxe de pouvoir loger ici. C'est l'idée d'un campus où on vit et on habite au même endroit. Les chambres étaient très modernes pour l'époque, avec 20 mètres carrés, un lit, un bureau, un lavabo et des grandes armoires pour stocker des choses. Bien sûr, c'était un lieu de rencontre, aussi un lieu pour fêter ensemble. On connaît tous les fameuses photos avec les étudiants sur des balcons, des tout petits balcons, tous ensemble, en train de rire, à faire la fête. Pareil, les photos dans les chambres avec les tabourets de Breuer, serrés ensemble pour manger, pour fêter. À quoi ça sert d'être assis ensemble si ce n'est pour discuter, pour manger, pour être dans un rapport de civilisation? On voit que la dernière image de ce petit projet publié donc dans la revue du Bauhaus se termine par une femme qui est assise sur rien. L'idée du mobilier du futur est un mobilier qui, en quelque sorte, n'existe plus. On s'asserra sur une colonne d'air souple. C'est des sensations. C'est un confort. et que la question des matériaux qui paraît si importante au sein du Bauhaus depuis sa construction et ce rapport aux ateliers et aux techniques, finalement, n'est pas peut-être l'enjeu le plus essentiel. Ce qui compte, c'est la sensation, c'est le confort. Au bout du premier semestre, donc, qui se partageait un peu entre Albers et Kandinsky, il y avait encore un cours de dessin industriel, en somme, un peu de construction dans l'espace, etc. Albert Flocon, et graveur. Et une après-midi de gym, on avait une fille qui était une ancienne élève de la danseuse Palooka, qui nous faisait des cours de gymnastique, et qui d'ailleurs travaillait l'année d'après avec nous à l'atelier scénique de Schlemmer. Et puis, à une des fêtes qui se faisait, donc le premier hiver que j'étais à Dessau, la scène s'ouvre vers la salle où on dansait, et Schlemmer présente deux de ses pantomimes. Et j'étais tellement emballé, je voulais devenir architecte. Je dis non, mais l'architecture c'est de la crotte à côté de ça. C'est vraiment la chose à faire, c'est le corps humain dans l'espace, c'est l'exploration de l'espace scénique, c'est... tout ce que j'ai fait ensuite pendant un an et demi avec Schlemmer, avec lequel on a préparé une tournée à travers les grands théâtres de l'Allemagne. C'est ici le premier niveau de l'école, avec la fameuse scène de théâtre sur laquelle ont eu lieu les représentations de danse de Oskar Schlemmer. Cette salle ne ressemble pas du tout à un théâtre classique comme on le connaît de nos jours. Les sièges ne ressemblent pas du tout à des sièges confortables qu'on connaît d'un théâtre. Il n'y a pas de rideaux devant les fenêtres. Les chauffages ne sont pas du tout cachés. Donc tout ce qui crée une ambiance un peu mystérieuse aussi peut-être, on ne retrouve pas du tout cette ambiance-là ici dans cette salle. Une des particularités du Bauhaus, c'est aussi de montrer les inventions, les nouveautés de l'époque, les nouveautés techniques. Ici, par exemple, pour ouvrir les fenêtres avec un volant qui est aussi utilisé dans l'industrie pour manipuler les machines. Cette salle, dans tous ses détails, reprend l'idée de Walter Gropius d'unifier la technique et l'art. Il y a eu un atelier de scénographie donné par Oskar Schlemmer qui était à la recherche de la liaison des formes entre l'espace, l'homme et les machines et qui a expérimenté avec ces trois éléments-là. Il nous lançait sur la piste. J'étais un des trois danseurs. On ne le croira plus aujourd'hui, mais enfin. Alors, donc, c'était la géométrie de l'espace, la géométrie du corps humain. Il était très influencé par les livres sur la proportion du corps humain de Dürer, par les constructions de Schön, des renaissants italiens. En somme, c'était les premières tentatives cubistes pour représenter le corps humain, par des simplifications de volume, par les simplifications des courbes. Il simplifiait la silhouette par des costumes très ouatés et il voulait arriver aux ingrédients les plus simples. La vitesse du mouvement, les couleurs les plus simples, les éclairages les plus simples. Des coulisses par exemple, trois coulisses, une jaune, une bleue, une rouge de quelques 2 mètres de haut, 1 mètre de large, qui arrivent sur la scène, portés par des gens qui sont cachés derrière. Et puis, ces coulisses, ça peut être une rue, ça peut être une chambre, ça peut être un peu comme chez Shakespeare, hein. Il suffit de l'écriteau qui suscite l'imagination, et on est dans la forêt. Hein. Il n'y avait pas de texte. Alors nous, on disait, mais on veut causer, et le théâtre, c'est quand même la moralische Anstalt de Schiller, l'institution morale qui doit éduquer le peuple. Il dit, les paroles, nous verrons plus tard. On a déjà assez sur les bras avec le reste. Hein. Effectivement, on a passé un an et demi absolument merveilleux parce que les choses s'élaboraient peu à peu. Mais Schlemmer avait le sens de la scène. Il savait toujours terminer une pantomime qui durait 5 minutes, crac, par un petit coucou. Et puis, le rideau se ferme. Incroyable. Wir sind nun über die Bühne gegangen. Nous avons traversé la scène du théâtre et nous voilà dans la cantine. Où vous avez vu ça, de traverser une scène de théâtre et de se retrouver dans une salle à manger? Oui, parce que vraiment, le fond du théâtre, hein, là où on imagine que derrière il y a toute une machinerie, eh bien, simplement, on ouvre un rideau et paf, des grandes tables blanches, des tabourets de Marcel Breuer et en effet la cantine. Et on voit que c'est une grande salle pour accueillir beaucoup d'étudiants. C'était toute l'idée de lier l'espace pour fêter ensemble, après se retrouver pour manger ensemble, et aussi dans la cantine, on pouvait danser. Donc on peut d'un côté travailler, d'un autre côté fêter, et manger, fêter, danser ensemble. On peut comparer cet espace avec les kibbutz en Israël, où les espaces ont été conçus de la même manière pour fêter, pour se retrouver, pour manger ensemble, pour fêter ensemble. Et c'est aussi des salles ou des endroits qui sont le mieux décorés, le mieux arrangés pour accueillir les gens. Le Rauhaus était depuis un an à Dessau. Michel Sefort, peintre. Et j'ai reçu une invitation de Gropius, avec lequel j'étais ami, et de Moholy, forcément. Alors, j'étais attendu au Bauhaus, on attendait comme moi, c'était une fête fantastique. Et j'ai manqué le train à Berlin, j'ai dû attendre 2 heures pour avoir un autre train, on ne m'attendait plus, et c'était un dimanche, et le Bauhaus était vide. Gropius, Kandinsky, le Klee, tous étaient sortis avec les élèves pour faire une grande promenade autour de Dessau, comme ils faisaient généralement le dimanche quand il faisait beau. J'ai eu du mal, beaucoup de mal à me faire ouvrir par le portier. Et puis finalement, il a dit, bon, il y a une personne encore qui est là, c'est l'assistante de Moholy, mais elle ne pourra pas vous... J'ai dit, ah, mais je la connais, c'est Ida Tal, c'est une grande amie, alors il m'a laissé entrer. Et c'est Ida Tal qui m'a fait les honneurs du Bauhaus, que j'ai visité de fond en comble, peut-être même mieux que si les élèves avaient été là. J'ai tout visité, les ateliers de Moholy et tout le reste, les poupées de Schlemmer, qui étaient les grandes poupées qui étaient là, le nouveau projet de théâtre, les maquettes, j'ai tout vu, absolument tout vu. Le Bauhaus est une sorte de plaque tournante des avant-gardes. C'est frappant. Marie-Jeanne Dumont, architecte. Et je pense que c'est bien la seule avant-garde ou école qui a pu accueillir aussi bien Lissitzky venant du RSS que Van Doesburg venant des Pays-Bas ou Le Corbusier venant de Suisse ou de France ou tel historien d'art comme Guy Dion qui vient aux expositions du Bauhaus. Gropius a été exceptionnellement accueillant. Il fait des expositions, il publie des livres, il publie des sortes de panoramas de l'architecture contemporaine internationale. Et donc, il permet à beaucoup de gens de se rencontrer. Le Corbusier reçoit les publications. Lui-même envoie des dessins et des photos de ses travaux. Et donc, oui, ils se connaissent. Le Corbusier est tout à fait en accord avec l'architecture de Gropius. Par contre, lui, ce qu'il voit dans le Bauhaus, c'est que c'est une école d'art décoratif. Et sa position à lui, comme celle d'Adolf Loos à Vienne, est que les arts décoratifs, c'est fini, que dans le futur, c'est l'industrie qui prendra en charge la fabrication des objets. Et le slogan de Le Corbusier, c'est qu'il faut fermer les écoles d'art décoratif. Donc si le Bauhaus est une école d'art décoratif, quand bien même elle serait plus moderne, il faut la fermer parce que le bon goût, dit-il, ne viendra pas d'en haut. Les objets nécessaires à la vie moderne viendront de l'amélioration de standards industriels et non pas du bon designer bien formé dans son école à la théorie de la forme et qui irait dans l'usine apporter le bon goût. On a passé des contrats avec l'industrie du métal pour faire des pieds de lampe, une grande société en Saxonie. Walter Gropius. Et aussi dans l'atelier du textile avec différentes firmes textiles. Nos partenaires ont beaucoup travaillé avec certaines élèves qui ont développé de nouvelles techniques combinées avec de nouveaux designs. Et puis ce qui a été développé principalement avec Hannes Meyer, c'est la commercialisation de nos papiers peints. finalement, le seul objet qui a vraiment été réalisé en série au Bauhaus et qui a inondé les intérieurs allemands, c'est le papier peint. Et jusqu'à la fin des années 30, il y a eu des intérieurs allemands recouverts de papier peint Bauhaus, mais où les gens ne savaient même plus ce que c'était. La période la plus fructueuse, ça a été avec l'atelier d'imprimerie quand le Bauhaus était à Weimar. Parce qu'à l'époque, on a demandé à des artistes du monde entier de nous donner des œuvres qu'on a reproduites dans notre atelier. On a fabriqué de grands portfolios d'artistes modernes qui sont aujourd'hui très connus. Ensuite, l'atelier d'imprimerie a été repris à Dessau par Herbert Bayer, qui est resté jusqu'en 1928 au Bauhaus. Et lui a développé le graphisme, la mise en page pour l'édition, et il a aussi inventé des nouvelles typographies. C'était des champs très nouveaux et très vastes, et on a pu faire de l'argent avec ça aussi. Et c'est là où ça devient vraiment très intéressant. Alexandra Midal. Parce que moi, je suis jamais arrivée à comprendre totalement Siatus, à savoir comment se fait-il qu'il y ait un projet qui soit du côté d'un constructivisme social, qui soit du côté d'une libération individuelle, qui soit du côté d'une production et d'une création, qui va s'engager du côté de l'entreprise, qui va s'engager du côté du capitalisme. Alors, peut-être je pousse le bouchon un peu loin en allant jusque-là, mais c'est quand même des questions qu'on peut se poser et qu'on pourra se poser d'une manière encore plus claire avec le parti pris d'Hannes Meyer et de l'industrialisation de l'école. C'est-à-dire quand on est dans une logique du marxisme utilitariste. Ils ont eu du mal à garder cette position d'une école à l'intersection de l'art, de la politique et de l'industrie. D'un côté, ils acceptaient la poignée de main des industries capitalistes, tout en ayant un agenda socialiste de transformation de la société à travers un nouvel environnement qu'ils voulaient entièrement concevoir. Un nouvel environnement d'objets, mais aussi un nouvel environnement architectural qui devait entièrement transformer la société. Mais pour arriver à cela, il leur fallait des fonds qui venaient des contrats avec l'industrie et de sponsors privés. C'est une position difficile à tenir. C'est un peu un pacte avec le diable, non ? On ne peut pas vraiment être une institution autonome, c'est un peu comme vendre son âme. Et c'est toujours difficile de savoir jusqu'où aller et quand s'arrêter. Ils ont voulu développer des produits pour les masses qui sont peu chers, mais en fait ils sont très luxueux. Et d'ailleurs, ils sont toujours luxueux. Encore aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se permettre d'avoir un bel objet du Bauhaus. Cette contradiction, elle est parvenue jusqu'à nous. Le Bauhaus, c'est vraiment total. Et donc, Walter Gropius a prévu, en bas de la rue où il y a l'école du Bauhaus, quatre maisons extraordinaires, blanches, cubiques, qui sont, on pourrait dire, intemporelles. En tout cas, elles dégagent quelque chose à la fois, évidemment, de cette époque où on dessinait des maisons comme des cubes, mais elles sont extraordinairement modernes. Ici, à Dessau, l'idée de Gropius, c'est que l'architecture, c'est une boîte à outils dans laquelle il y a plusieurs formes cubiques qu'on combine comme on veut. Gropius construit une maison simple pour le directeur et trois maisons doubles avec atelier de peinture pour les vieux maîtres qui arrivent de Weimar. La première, c'est celle de Moholy-Nagy, le bras droit intellectuel de Gropius et Lionel Feininger. La suivante, c'est celle de Georg Muche et Oskar Schlemmer. Et enfin, la dernière, c'est celle de Vassili Kandinsky et Paul Klee. Ce sont les noms des premiers résidents. Car Georg Muche quitte le Bauhaus en 1927 et la famille de Hinrich Schepper emménage dedans. C'est le maître de l'atelier de peinture murale et c'est un artiste d'un genre nouveau. Muche était un vieux peintre, mais c'était plutôt un artiste un peu démodé, si on l'entend dans le sens moderne d'avant-garde. Mais là, de nouveaux designers arrivent. Hinrich Schepper est un jeune maître et lui n'a pas besoin d'une maison avec un atelier de peinture. Il y a une sorte d'antagonisme à ce moment-là. Dans la maison d'à côté, Moholy Nagy vivait avec sa femme, Lucia, qui était photographe et qui a beaucoup documenté le Bauhaus. Elle avait besoin d'un studio photo, mais pas d'un atelier de peinture. Je trouve très intéressant ce changement dans la manière d'être artiste et comment ces maisons incarnent ce décalage de génération. Les premiers maîtres du Bauhaus, ils sont tous artistes, le seul architecte c'est Gropius. À Weimar, quand ils fondent le Bauhaus, Gropius ne sait pas à quoi va ressembler l'architecture du futur. Donc, il engage des peintres dont le travail est en rapport avec l'espace et avec un certain sens de l'architecture, comme Feininger, Klee ou Kandinsky. Donc on trouve ces questions de forme dans leur travail, et bien sûr, ils ont ouvert le champ du design. Mais ici, ça change complètement. Les vieux maîtres ne donnent plus que des cours d'art, quelques bases pour le design, quelques principes de peinture, et le nouveau programme est enseigné par les jeunes maîtres. Et ici, on en a le reflet. C'est à 10 minutes de l'école, dans une petite forêt de pins, et ça plante le décor des rapports entre art et technique. Quand on est arrivé à Dessau, on a eu un peu plus d'argent. Je me suis dit qu'il était temps d'ouvrir un département d'architecture. On est dans une école qui voit la construction comme but suprême de toute réalisation plastique, mais qui n'a pas de cours d'architecture. Donc tout le monde essaye un petit peu d'être architecte. Gropius en prend beaucoup aussi dans son atelier personnel, parce que Gropius a gardé un atelier d'architecte. Et c'est Hannes Meyer qui, en 28, va vraiment créer le cours d'architecture. J'ai fait rentrer Hannes Meyer, qui venait de Suisse, et qui avait fait de très bons plans, que j'aimais beaucoup, notamment pour la Société des Nations. Et il a commencé à monter ce département d'architecture. 1928, coup de théâtre. Walter Gropius démissionne de cette école qui, enfin, est en train d'être ce qu'il a rêvé qu'elle soit. Les commandes affluent, il y a même des commandes d'État, on construit, et Gropius s'en va. Il y a une raison à cela, c'est que 1928, la construction commence à, quand même à se développer en Allemagne. Donc il ne veut pas sacrifier complètement son travail d'architecte et il veut essayer de trouver des contrats qui lui permettront de se réaliser en tant qu'architecte. Et puis Gropius, qui est un démocrate très lucide, sent la transformation qui est en train de s'opérer en Allemagne et notamment à Dessau. Avec la montée du nazisme, je me suis rendu compte que ma présence nuisait au Bauhaus. J'étais la cible de leurs attaques. Je me suis donc retiré et je suis retourné à des activités privées. Et j'ai fait d'Hannes Meyer mon successeur. Gropius ne choisit pas n'importe qui, il choisit quelqu'un qui est intégré dans le processus social. Et Hannes Meyer transforme l'école complètement, en ce sens que les techniques sont encore beaucoup plus développées, mais aussi Hannes Meyer veut centrer le Bauhaus de Dessau sur la promotion d'architectes, avec des matières adjacentes qui permettent un développement des élèves et qui sont une ouverture sur la vie sociale et sur le monde. Il introduit des conférences de sciences humaines. Il introduit le cinéma. Et en même temps, Hannes Meyer est sensible aux mouvements sociaux avec donc les protestations syndicales, etc. Il accepte évidemment que les élèves s'organisent à l'intérieur du Bauhaus. Il y a vraiment des cellules, notamment une cellule communiste qui distribue des tracts, enfin informant sur la, à la fois sur la vie du Bauhaus et sur la vie extérieure. Hannes Meyer ne m'avait pas fait part de ses penchants pour l'extrême gauche. Je pense qu'il a fait beaucoup de mal au Bauhaus en politisant trop l'école. Mais il avait de très bonnes idées, techniquement. Il a développé beaucoup de nouvelles choses dans le cursus, surtout dans l'architecture. Il avait une bonne approche, bien qu'il soit très négatif à l'égard des questions esthétiques. Il voulait régler tous les problèmes d'un point de vue marxiste et matérialiste. Bien sûr, mes opinions étaient différentes. Il a essayé de défendre ça, mais vu les conditions, la montée du nazisme, il s'est trouvé en grande difficulté et c'en a été fini de lui. Gropius et Mies van der Rohe, ils ont complètement trusté aussi l'histoire du Bauhaus. C'est eux qui l'ont raconté aux États-Unis, ils l'ont raconté à leur sauce, en montrant aussi comment leur passage était important et en minimisant le passage d'Hannes Meyer, qui lui, en fait, conduit l'école dans la période la plus troublée de son histoire, entre 28 et 30. C'est la montée de l'extrême droite en Allemagne. C'est le moment où cette école, qui avant était quand même regardée comme un foyer un petit peu de révolte, mais de révolte bon enfant, de gens qui se baignaient tout nus dans la rivière, etc., un petit peu d'effroi bourgeois, là maintenant est vraiment regardé comme un ennemi politique, donc la situation devient très périlleuse. Lui arrive à réaliser des choses merveilleuses. Toute l'école de l'ADGB, qui est un syndicat allemand qui veut créer une école pour former les ouvriers à devenir des cadres, etc., ça c'est Hannes Meyer et son équipe qui la construisent, mais c'est vraiment Hannes Meyer et son équipe. L'école est en fait un immense TP pour les étudiants du Bauhaus. Il va ouvrir le cours de photographie, donc vraiment ancrer cette pratique qui existe déjà dans l'école dans quelque chose de plus formel, et il va essayer de naviguer entre les conformismes assez bourgeois de certains de ses grandes figures comme Kandinsky et ses propres idées. Les artistes, les maîtres du Bauhaus, ont questionné cette idée d'une synthèse entre l'art et la technique. Philippe Oswald, architecte. Pour eux, c'était un outil de transition intéressant, mais l'art et le design avaient chacun leur logique propre, et selon eux, ça ne marchait pas, il fallait repenser le concept. C'est le moment où Hannes Meyer arrive et où il essaie de développer une pédagogie plus en relation avec la production et avec l'usage réel des objets et moins sur l'enseignement des couleurs et de la géométrie et de tout ce qui était déjà établi comme le style Bauhaus. Il a été pris dans de vraies luttes, mais il n'a pas été attaqué uniquement pour des raisons politiques, mais aussi parce que certains avaient une sorte de nostalgie pour le vieux Bauhaus et cette idée romantique d'une synthèse de l'art et de la technique. Et donc, il a été renvoyé sans ménagement. Pour moi, ce que Mies van der Rohe a fait ensuite, ça n'avait plus rien à voir avec les intentions premières du Bauhaus. Il a transformé l'institution en une bonne école d'architecture, mais sans cette idée d'une pensée holistique qui pouvait adresser des questions philosophiques au design et à la société. Il avait une idée très claire de ce que devait être l'architecture, et c'est ça qu'il voulait transmettre aux élèves. Avant, le Bauhaus cherchait des réponses. C'était un laboratoire. On y faisait des expérimentations. Avec Mies, plus du tout. À partir de 1930, donc, c'est Ludwig Mies van der Rohe qui finalement prend la direction de l'école. Ludwig Mies van der Rohe est appelé comme directeur pour mettre de l'ordre au Bauhaus. C'est une reprise en main complète du côté uniquement de la technique. L'ordre va effectivement régner petit à petit. Bon, il n'y aura plus de vie sociale du tout. Et il va renvoyer un certain nombre d'élèves qui étaient des agitateurs. À ce point qu'on doit prêter serment, pratiquement, quand on entre au Bauhaus, de ne pas avoir d'activité politique. Un certain nombre d'élèves vont refuser justement de continuer leur scolarité parce qu'ils ne veulent pas signer un tel papier. Donc il renvoie beaucoup d'étudiants communistes, ce qui est considéré comme très mal aujourd'hui, mais qui à l'époque a aussi donné quelques instants de répit à l'école pour qu'elle puisse continuer. Et malheureusement, en 1932, ils vont devoir quitter Dessau. C'est Mies van der Rohe qui se bat pour obtenir de partir avec le matériel et donc avec de l'argent pour continuer l'école. Parce que quand Mies van der Rohe rouvre le Bauhaus à Berlin en 1932, il l'ouvre dans une vieille usine de téléphone qu'il a payée de sa poche avec les indemnités qu'il a reçues. Il arrive en fait à ouvrir cette école qui est maintenant privée et qui est effectivement une école d'architecture. Seulement, Bon, on est à ce moment-là en pleine ascension du pouvoir nazi. Et petit à petit, entre janvier et avril 1933, tous les problèmes vont se poser. Qui était justement cette réputation du Bauhaus comme représentatif du bolchevisme culturel? Ils vont prétexter qu'il y a de la propagande anti-nazie à l'intérieur du Bauhaus. Et les nazis vont monter une espèce de cabale en cherchant des tracts communistes que, bien sûr, ils vont trouver et vont demander la fermeture de l'école. Ludwig Miswanderow. Je ne voulais pas que les nazis ferment le Bauhaus. Après plusieurs semaines, j'ai dû aller au quartier général de la Gestapo. J'espérais parler aux chefs et pouvoir leur dire que c'était une école privée. Après deux ou trois semaines, nous avons reçu une lettre nous annonçant que nous pouvions continuer. Mais sous le contrôle du ministère de la Culture et de l'Éducation. J'ai réuni les membres de l'école pour leur dire, ça y est, nous pouvons continuer, mais nous ne le ferons pas. Je propose que nous fermions le Bauhaus. J'ai écrit une très belle lettre à la Gestapo pour leur dire que c'était trop tard. Oui, c'est le conseil des professeurs qui décide de se saborder pour en fait laisser peut-être cet idéal du Bauhaus vivre. Donc c'est vraiment les bornes de la République de Weimar, 1933. En fait, l'histoire du Bauhaus, elle suit aussi l'histoire de cette tentative démocratique en Allemagne, parce qu'avant 19, on a quand même des régimes autoritaires qui coexistent, plein de petits royaumes, cet énorme Prusse. Après, on a le nazisme, puis tout un communisme d'État fascisant en Allemagne de l'Est. Et on a, dans cette petite période, 1933, une volonté de mettre une république démocratique. Et c'est là que le Bauhaus s'engouffre. Le Bauhaus va être complètement effacé de la vie culturelle allemande. On n'en entendra plus parler. Le Bauhaus, c'est une autre contradiction, sympathisait avec le socialisme, mais coopérait aussi avec le capitalisme et l'industrie. Toutes les discussions de l'avant-garde se logeaient entre ces deux pôles. Le Bauhaus se référait à l'industrialisation et à la technologie américaine, mais aussi à l'Union soviétique, comme un nouveau modèle social. On peut dire que le Bauhaus a pris les idées de l'avant-garde soviétique, les a mises en Allemagne, dans un environnement plus doux et moins radical, ou disons social-démocrate. Et puis, avec l'exil des grands maîtres du Bauhaus aux États-Unis, il y a eu un transfert vers l'Ouest. Et le Bauhaus s'est délesté de ses positions idéalistes pour devenir un style et ne s'occuper que de questions très pragmatiques de design. Il y a une autre histoire pourtant qui est intéressante. C'est l'exil vers la Palestine, à ne pas confondre avec Tel Aviv. Parce qu'au temps d'Hannes Meyer, le second directeur, le mouvement Kibbutz et le Bauhaus ont eu des idées très fortes en commun. Et ça, c'est un autre modèle qui a vraiment réussi. Parce qu'il faut préciser que l'exil vers l'Union soviétique a été un échec. Quand certains du Bauhaus sont partis dans les années 30, le stalinisme était très dur et ils ont été tués ou expulsés et ils n'ont rien pu construire. La success story du Bauhaus américain, on la connaît. Mies, Gropius ont dirigé des écoles. Breuer aussi. Ils ont beaucoup construit. Mais un autre groupe d'émigrants est allé en Palestine et ils ont construit des kibbutz. C'était bien sûr très relié aux idées socialistes. Rien à voir avec l'Union soviétique. Là, c'était du socialisme du bas vers le haut, très démocratique. Ils n'ont pas été nombreux à faire le voyage d'Allemagne vers la Palestine, mais c'est une histoire intéressante. Merci à Anne Monnier, Alexandra Midal, Inès Weitzmann, Marie-Jeanne Dumont, Lionel Richard, Werner Müller et Philippe Oswald. Merci au Bauhaus Dessau. Traduction Marie Eck. Voix Renaud Bertin, Julien Navarre. Documentation INA Marie Chauveau. Coordination Perrine Kervran. Attaché d'émission Marie-Vonne Abolivier. Mixage Alain Joubert. Le Bauhaus à 100 ans, des objets à la chaîne, un documentaire de Camille Jusa et Jean-Philippe Navarre. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à Dessau, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Migy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, à Tel Aviv sur les traces du Bauhaus. Et n'oubliez pas les autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, La fabrique de l'histoire, Création en air, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.